Donc, on va parler un petit peu de BD. Allez. Histoire de varier les plaisirs, et donc avec un album dont je disais qu'il était très attendu, c'est en effet Le Magasin Général de Loisel et Trip, une BD à quatre mains, dont nous avions déjà souligné la qualité précédemment dans Pop Culture. Deux tomes parus, et en fait, curieusement, on a assez peu attendu ce troisième tome. J'essayais de trouver les dates de parution, mais je n'ai pas réussi à trouver de date exacte, mais si je me souviens bien, ça fait moins d'un an qu'on a lu le deuxième opus. Alors Le Magasin Général, ben, pour rappel, c'est la vie au début du siècle, et même avant ça, au 19e siècle, fin 19e, début 20e, je sais pas si c'est vraiment bien localisé, d'une petite communauté au Québec. Avec donc toutes les difficultés que ça suppose, puisque le Québec est un pays rude et que s'y installer n'est pas chose facile. Et donc nous suivons le chemin de plusieurs personnages, de plusieurs familles de la paroisse de Notre-Dame-des-Lacs, qui est au Québec. Des personnages avec qui on a appris à avoir une relation un peu intime, puisque ce sont des BD qui sont relativement longues et relativement fouillées. Qu'est-ce que tu fais avec tes BD, Xavier ? Je les lis. Pourquoi ? Tu me rassures. Qu'est-ce que j'ai laissé sous-entendre encore ? Avec, tu avais une relation intime avec les personnages avec les BD. Non, intime, je veux dire... Oui, c'est une BD un peu intimiste, j'entends bien. Tout de suite, qu'est-ce que c'est que ces esprits mal tournés ? C'est pour ça que les pages collent chez toi. Oh ! Bruno, défends-moi. Mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça, hein? Rien, je préfère ne pas répondre. Donc, BD relativement intimiste, disais-je, et on commence effectivement à connaître un peu l'histoire de Marie, jeune veuve du tenancier du Magasin Général, d'où le titre de la BD, qui dans le premier tome traversait bien des épreuves pour finir par reprendre goût à la vie et reprendre le magasin de son mari. Et entre-temps, un homme français débarque dans le village et va plus ou moins s'établir chez elle. Il est arrivé en motocyclette et sa moto est un petit peu cassée. Et donc il va finir par s'installer pour une saison, puis deux saisons, puis par penser ouvrir un restaurant. Le fameux coup de la panne, exactement. Et donc petit à petit va se tisser une drôle de relation entre deux, qui est un peu le nœud de ce troisième tome, puisqu'on continue à suivre les pérégrinations des habitants du village. Ça reste toujours assez intéressant, puisque c'est une espèce de portrait choral d'une communauté rurale, dans des conditions, il faut bien le dire, assez difficiles, non seulement matériellement mais aussi socialement, puisque c'est une période qui est encore très marquée par le puritanisme, par l'intégrisme religieux et de tout poil, et donc c'est pas tout à fait évident pour nos bons habitants de Notre-Dame-des-Lacs. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir la suite. D'abord, les deux premiers tomes, je vais pas dire planter le décor, parce qu'il y avait déjà pas mal de choses qui se passaient, dont cette relation entre le français et Marie, et puis la vie du village qui n'était pas simple. Et ici, en fait, l'album va être axé beaucoup plus sur la relation entre Marie et le français, avec un très beau twist à la fin qu'on ne peut pas du tout dévoiler. Et donc, une BD tout à fait dans la continuité. Graphiquement, c'est toujours époustouflant. C'est une BD à quatre mains, je l'ai dit en commençant, et comme dans le deuxième tome, on a ici des planches qui ont... Parce que quand je dis à quatre mains, elle est vraiment pas scénarisée et dessinée par deux personnes différentes. C'est pas Loisel qui scénarise pour Trip ou le contraire, pas du tout. Loisel réalise un crayonné très poussé des planches, Trip le repasse, et puis s'échange un peu les planches, et ça finit par donner la planche finale, mais il y a un peu des deux dedans. Donc dans le style graphique, les gens qui connaissent bien Loisel seront pas du tout en terrain familier. C'est vraiment un style tout à fait propre. Par contre, là, je pense que les premières pages, ce sont des crayonnés qu'on voit. Voilà, on a un exemple. Voilà, on a un exemple avec deux pages. Ouais, le crayonné, par contre, on reconnaît clairement la patte de Loisel. Tout à fait. Mais après, quand Trip est passé dessus, il y a toujours de ça. Et puis en même temps, il y a des choses qui ont changé. C'est très particulier comme truc. C'est vraiment un nouveau style. Voilà, comme si on mélangeait dans deux auteurs. Une troisième personne. Et puis hop, une troisième personne apparaît. C'est très curieux. Alors, donc graphiquement, c'est tout à fait soigné, vraiment très très chouette. La mise en couleur est tout à fait impeccable. c'est toujours un récit qui a du corps, qui sait où il va. Ça fait 80 planches et c'est vraiment pas du remplissage. C'est tout à fait correct. En même temps, j'ai été un petit peu déçu, moi, personnellement, par cette BD. Bon, je vous avais déjà dit que... Le deuxième tome, tu étais très emballé, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. C'était très prometteur, et puis... Manifestement, ça ne tient pas ses promesses. Mais je ne suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt moi qui suis... Pardon, j'ai aussi un peu la crève, hein, désolé. Je pense que c'est moi qui deviens un peu moins réceptif à ce genre d'histoire. Ça reste intéressant, ça reste dans la même veine, mais quelque part, moi, j'avais envie qu'il s'en passe plus. Bon, en même temps, j'ai pas de solution à donner à nos deux compères. Ils ont choisi de décrire la vie d'une communauté rurale dans une civilisation très très précaire. Quoi, tu veux dire que c'est la petite maison dans la prairie ? Oh oui, c'est tout à fait comparable dans le style d'ambiance, etc. Et de conditions matérielles surtout. Mais c'est pas du nuche comme la petite maison dans la prairie. Hein, faut pas exagérer. C'est un peu plus réaliste et tout ça. Mais je sais pas. Pour moi, il manque quelque chose. Autant les personnages sont tout à fait attachants, autant je pense que on a l'impression le train-à-train. La routine fait partie forcément de la vie de ces gens-là, et en même temps, on nous le fait franchement bien ressentir des fois dans la BD. Donc, il se passe des petites choses. C'est des vrais drames pour cette communauté. Il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a une révolte des femmes contre les hommes. Il y a notre ami le Français qui n'est plus du tout sûr d'être à sa place dans ce village, donc il va peut-être décider par partir. On ne sait pas. Une relation amoureuse inavouée, mais en même temps tellement évidente. Et en même temps, il y a quelque chose qui a l'air de la rendre impossible, même si elle est inavouée. Donc, il y a plein de choses sous-jacentes. Mais je sais pas. Moi, je ne suis pas senti emballé par cette BD. Je suis époustouflé par le côté technique. C'est vraiment pas technique technicien. Hein. Ça passe tout à fait. C'est pas du travail de virtuose. C'est très sensible. C'est très joli. Les ambiances sont magnifiquement rendues. On est dans le Grand Nord américain, donc fatalement, on a aussi des décors qui sont tout à fait grandioses, des forêts, le mauvais temps, la neige, la nuit, etc. Donc il y a tout un jeu sur les lumières. C'est très chouette, mais il n'y a rien à faire. Je suis pas hyper fan. J'aime beaucoup ça, je continuerai à essayer de le lire à la sauvette, mais je crois que je ne vais pas commencer une sélection. Ça manque de petits grains d'inattendu, c'est un petit peu trop convenu, ça reste un peu trop sur des rails, si je comprends bien. Oui, enfin, je suis même pas sûr que convenu soit le mot. Je pense que il y a un truc qui manque. Voilà. Pour moi, il y a un truc qui manque. Je ne peux pas mettre le doigt dessus. Mais j'insiste vraiment sur les qualités. Et si vous avez aimé le premier tome et le deuxième tome, vous ne serez absolument pas déçus. Si vous aimez ce genre d'histoire intimiste et... dans une atmosphère, bah ouais, un peu petite maison dans la prairie, mais en moins débile. Allez-y, c'est pas parce que moi je suis pas super client que voilà quoi. Ce qu'on peut en dire. D'accord. N'est-ce pas ? Voilà, alors on va... Et donc, j'imagine qu'il y aura une suite. Oui, très probablement. En fait, le nombre d'albums n'est pas du tout... je regarde à l'instant la quatrième de couverture où on annonce ça dans les années 20. Avec un 2020, ils vont prendre leur temps. Non, pardon. On situe l'action dans les années 20. C'est malin. Mais non, ça annonce clairement un quatrième tome. D'autant plus qu'au bas de la dernière page, il est mis à tantôt. Hein? Donc clairement, on y est. Mais le nombre d'albums n'est pas prévu à l'avance, je pense. Donc pour moi, ça peut continuer. C'est une série qui roule, c'est rodé, ça fonctionne vraiment bien. Voilà, moi je suis pas total fan, désolé, autant pour moi. Mais c'est rien, Xavier.